En agglomération, les panneaux de danger sont placés à 50 mètres environ avant le danger annoncé ou le début de la zone dangereuse. Ici, la signalisation annonce un passage pour piétons. C'est une signalisation avancée pour me permettre de ralentir dès maintenant. Un autre panneau indiquera la position du passage. Réponse